Abend. Das ist der einzige Weg. Amen. Donc, Hébreux 12 nous montre que seulement quand tu vois Jésus-Christ, c'est ça où tu as ta liberté. That's how to do everything. So tun wir alles. C'est comme ça que tu fais tout. That's how to live the life of Christ. Wie wir das Leben von Christus führen. Tu vis la vie de Christ. That is how you are never going to be tired. So werden wir niemals müde sein. C'est comme ça que tu vas être jamais fatigué. That's how you will never give up. Tu vas niemals aufgeben. C'est comme ça que tu vas jamais abandonner ta foi. If you take your eyes away from him, you will be tired. Wenn wir unsere Augen wegnehmen von ihm, werden wir müde sein. Mais si tu enlèves tes yeux de Jésus-Christ, tu vas être fatigué de le suivre. Verse 2, please. Hébreux 12, verset 2. Looking unto Jesus. Auf Jesus schauen. Ayant les regards sur Jésus. The author and the finisher of our faith. Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Le commencement et la finition de notre foi. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. The shame. Die Schande, die Schmach, hat er nicht gesehen. You know this was shame. Die Scham. Amen. People don't like it at all. Leute mögen es nicht, sich zu schämen. Les gens n'aiment pas d'avoir la honte. To be ashamed. Dich zu schämen. Avoir honte. If you remember Christ, you will never be ashamed of anything. Wenn wir auf Christus schauen, werden wir uns für nichts schämen. Mais si tu regardes le Christ, tu vas jamais avoir honte de quelque chose. You will never be ashamed to say I'm sorry. Wenn wir uns niemals schämen, uns zu entschuldigen. Tu auras jamais honte de t'excuser. Amen. Praise the Lord. Amen. Looking unto Christ. Auf Christus schauen. Avoir les regards vers le Christ. And that is the only way out. Das ist der einzige Weg raus. C'est ça le seul chemin de la liberté. Repentance means to see Christ. Buße bedeutet Christus zu sehen. La repentance signifie de voir Jésus-Christ. To see Christ also means to believe him. Christus zu sehen bedeutet auch ihn zu glauben. D'avoir les regards sur Jésus, ça signifie de le croire aussi. Today it is to believe his finished work. Heute bedeutet das, an sein fertiges Werk zu glauben. Aujourd'hui, ça signifie de croire son œuvre accomplie. Even the old, it was even to believe it is finished. Auch damals im alten Bündnis ging es auch schon darum zu glauben, dass es vollbracht ist. Et même dans l'Ancien Testament, il s'agissait aussi de croire que tout a déjà été accompli. Praise the Lord. Alléluia. Quickly go to Joshua 6. Joshua 6. Josué 6. Praise the Lord. Alléluia. Joshua 6, verse 1 and 2. Joshua 6, 1 und 2. Josué 6, verset 1 et 2. Praise the Lord. Alléluia. He said, now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, see. It's not see. You see that? It's not seeing I'm going to give you. See the finished work. Er hat gesagt, sehe, ich habe es dir schon gegeben. Und nicht sehe, ich werde es dir noch geben. Amen. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'avenir, mais c'est au présent. It's not seeing you are going to pass. Nicht schau, du wirst bestehen, sondern schau, du hast den Sieg schon. Amen. C'est pas que vois tu vas oui passer, mais vois que tu as déjà passé, bien tu as déjà ta victoire. That's why God's children never have it. Deswegen haben Kinder Gottes es nie. C'est ça pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas la victoire. The kingdom of religion is different from the kingdom of heaven. Das Königreich der Religion ist anders als das Königreich des Himmels. Parce que le royaume de la religion c'est différent de du royaume des cieux. The kingdom of religion you are going to have it. Im Königreich der Religion wirst du Dinge haben. Au royaume de la religion, tout est dans l'avenir. The kingdom of heaven, you must believe you already have it. Don't Christ fight to have it, please. Musst du glauben, dass du es schon hast und nicht darum kämpfen, es zu bekommen. Mais au royaume des cieux, tu dois croire que tu as déjà tout ce que tu as besoin et pas que tu auras tout ce que tu veux. You can see it here, even the old. Selbst im alten Bündnis. Même dans l'Ancien Testament. He said, and the Lord said unto Joshua, see, I have given unto your hand Jericho and the king thereof and the mighty men of valor. Praise the Lord. Hallelujah. See, I have. You have to. You have to see it. Na schau, ich habe es dir schon gegeben. Du musst es sehen, erkennen. Dans verset 2, Dieu dit vois. Donc, ça veut dire que tu dois voir ce que Dieu t'a déjà donné. Praise the Lord. Hallelujah. In Deuteronomy 7:17. 5 Mose 7, Vers 17. Dans Deutéronome 7, verset 15. Amen. Praise the Lord. Dans Deutéronome 17, verset 15. Amen. If you cannot see it, how can I do it? Wenn du es nicht sehen kannst, sagt Gott, wie soll ich es dann tun? Surprised if you cannot, if it is not working. Wundere dich da nicht, dass es nicht funktioniert. Ne sois pas étonné si rien ne marche, parce que si toi tu peux pas le croire, tu peux pas le voir, comment je peux te le donner? We labor to believe we already have. Wir kämpfen darum zu glauben, dass wir es schon haben. On se bat de croire qu'on a déjà tout ce qu'il a pour nous. C'est une grosse last. C'est un grand combat. When everything is telling you no, no, no. Ein großer Kampf, weil wenn alles dir rundherum sagt, dass es nicht funktioniert. C'est un grand combat parce que donc chaque personne, toute chose te dit que c'est pas possible. Praise the Lord. In everything, repentance means to see Christ, to return to Him. In allem bedeutet Buße Christus zu sehen, ihn zu glauben. En tout ça, en tout la repentance, ça signifie de voir Jésus-Christ et puis de croire Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me leave here. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Job. Joshua. John. So, John 8. Amen. John. Say something here. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. You know, sometimes the Lord will just start repeating something, repeating. What's wrong with the head, right? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are we there, please? John 8, from verse 1. John 8, 1. Jean 8, verset 1. Praise the Lord. Let's be quickly. Jesus went unto the Mount of Olives. And early in the morning, he came again into the temple. And all the people came unto him. And he sat down and taught them. He was a teacher. You see that? Mm-hmm. He taught them. Amen. Mm-hmm. Verse 3, please. And the scribe and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, verse 4, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Verse 5, now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what said thou? Verse 6. This they said, tempting him, that they might have to accuse him. Mm. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Verse 7. Praise the Lord. Mm-hmm. You can see man. Little mention. On peut voir l'homme. You know, it takes two people to commit adultery, not one person. Es braucht zwei Leute, um Unzucht zu treiben, nicht eine Person. Wo ist der Mann? Donc tu as besoin de deux personnes pour commettre l'adultère. Où est l'homme qui a... You can see only the woman was there, but the man was not there. Aber nur die Frau wurde vor Gericht gezerrt sozusagen, aber der Mann nicht. On peut voir que c'est la femme accusé et pas l'homme. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Mm-hmm. Verse 8. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convinced by their own conscience, went out one by one, mm-hmm. beginning at the elder, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Mm-hmm. Verse 10. When Jesus had lifted up himself, this? He saw none but the woman. He said unto her, Woman, where are those your accusers? Hath no man condemned thee? Verse 11. Aunt? He said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Mm-hmm. That's where we are. I just want to point out, go and sin no more. Geh und sündige nicht mehr. Va et ne pêche plus. Verse Amen. He told that woman, go and sin no more. Er zu der Frau gesagt, dass sie nicht mehr sündigen soll. Jesus-Christ a dit à la femme de ne plus pécher. But what Christ calls sin, and not what man calls sin. Aber das, was Christus Sünde nennt, nicht das der Mensch Sünde nennt. Il s'agit de ce que Jésus-Christ appelle le péché, parce que l'homme appelle le péché. I hope you understand it. Can see, if you look at everywhere today, it's all about what you do. Wenn wir überall hinschauen, geht es immer um das, was du tust. Mais partout où nous sommes, il s'agit toujours de ce que tu fais. It's about what man calls fornication, what man calls sin, and not what Christ calls sin. Was der Mensch Unzucht nennt, nicht das, was Christus Unzucht nennt. Il s'agit toujours de ce que l'homme appelle la fornication, bien le péché, parce que Jésus-Christ appelle le péché. Amen. Amen. Here is actually John 16. Jesus was helping us to understand what John 16 we mean. That the very place we read where Jesus said, not believing him is the only sin. Hier ist eigentlich dabei, um zu erklären, was Johannes 16 bedeutet, was die eine Sünde bedeutet, ihm nämlich nicht zu glauben. Donc ici Jésus-Christ préparé d'expliquer la signification de Jean 16 de ne plus pécher. There's no one that never sinned. What man calls sin. Es gibt niemanden, der ohne die Sünde ist, die der Mensch Sünde nennt. Et s'il s'agit de péché, ce que l'homme appelle le péché, là, il y a personne qui ne pêche pas. They only know what they call sin, but what Christ calls sin in their own standard, there are so many that no one can obey it. Sie wissen nur, was die Sünde nennen, aber das, was Christus Sünde nennt, können sie mit ihrem eigenen Standard gar nicht erkennen. L'homme connaît seulement la signification mondaine du péché, mais il ne connaît pas le péché selon Dieu parce que c'est tellement beaucoup. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please understand what Christ calls sin. Versteht bitte, was Christus Sünde nennt. Comprends ce que le Christ appelle le péché. What he calls repentance. Was Buße nennt. Ce qu'il appelle la repentance. Amen. Amen. Repent from being there for people. Tu Buße davon, für Leute da zu sein. Et repens-toi d'être là pour les gens. Amen. Amen. Repent from being there for people. But now being there for Christ. Amen. There are a lot of repentance. Für Leute da zu sein, aber sei für Christus da. Et tu dois maintenant te repentir parce que tu as toujours été là pour les gens mondains. Maintenant, tu dois être là pour le Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Religious world, especially, it is being there for people. In der religiösen Welt geht es immer darum, für Menschen da zu sein. Au monde religieux, il s'agit toujours d'être, oui, d'aider les gens. Christ's kingdom is being there for Christ. Als Königreich von Christus, da geht es darum, für Christus da zu sein. Au monde religieux, il s'agit d'aider le Christ. Amen. I just give you just a little of, just one of things you repent from. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Ich gebe euch ein paar Beispiele von Dingen, von denen wir Buße tun sollen. Et je vous donne maintenant des exemples des choses que vous devez, de quoi vous devez se repentir. Please allow your soul to be perfect. Lasst zu, dass eure Seele vollkommen ist. Et permet que ton âme soit parfaite. With comparison, comparing yourself to others, your soul can never be perfect. Wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen, kann unsere Seele niemals vollkommen sein. Et quand tu te compares aux autres, ton âme peut jamais être parfaite. Your soul can never be renewed. Deine Seele kann niemals erneuert sein. Et ton âme peut jamais être renouvelée. Because it means the absence of Christ. Was heißt die Abwesenheit von Christus Jesus? Amen. L'absence du Christ. If you can see Christ, we never compare. Wenn wir Christus sehen können, werden wir niemals uns vergleichen. Et si tu vois le Christ, va jamais te comparer. 2 Corinthians 10:12. It said it is not wise. To compare. Da steht, dass es nicht weise ist, sich zu vergleichen. Et dans Psaume, on a écrit que c'est pas sage de te comparer. It means it is not Christ. Das heißt, es ist nicht Christus. Mm-hmm. Das signifie que c'est pas le Christ. Amen. Amen. Again, stop comparing yourself with me or with one another. Hört auf, mm-hmm. euch mit mir oder anderen Leuten zu vergleichen. Das signifie arrêtez de comparer avec moi mais avec tes frères. We are never of the same class. Wir gehören nicht zur gleichen Klasse. Nous appartenons pas au même classe. And that's why we can never even have the same result. Deswegen können wir auch nicht das gleiche Resultat haben. Vous savez pourquoi on ne peut jamais avoir le même résultat? Because the difference is our soul. Weil der Unterschied unsere Seele ist. Parce que la différence est notre âme. You know the message of grace. Die Botschaft der Gnade. Le message de la grâce. A lot abuse it. Viele missbrauchen sie. Beaucoup les gens les maltraitent. Amen. Because grace means we are equal. L'abuse. Weil Gnade bedeutet, dass wir alle gleich sind. Parce que la grâce signifie que nous sommes tous pareils. Amen. Mm-hmm. I can see why, you know, especially in Nigeria. I don't know of Nigeria. They don't like that the message of grace at all. They don't like the message. Besonders Nigeria. They love the message of law. Mögen die Leute die Botschaft der Gnade nicht. Sie mögen die Botschaft des Gesetzes. Et c'est ça pourquoi au Nigeria les gens préfèrent le message de la loi que le message sur la grâce ou bien la miséricorde de Dieu. I can see why pastors, preachers do not want to preach anything grace. Ich kann sehen, weshalb Pastoren nichts über die Gnade predigen möchten. Et je peux voir pour comprendre pourquoi les pasteurs ne veulent pas prêcher sur la grâce de Dieu. Because grace means we are denn die Gnade bedeutet, dass wir alle gleich sind. Parce que la grâce signifie que nous sommes tous pareils. Amen. And people abuse it a lot. Und Leute missbrauchen das. Et les gens l'abusent beaucoup. Again, grace message makes us equal. Die Botschaft der Gnade macht Christ uns gleich, weil wir nur auf Christus schauen. Et la grâce de Dieu, ça nous fait tout pareil parce qu'on voit seulement Jésus-Christ. So grace makes us equal. It sounds equal, but we are not equal. Auch wenn die Gnade uns gleich klingen lässt, sind wir aber nicht gleich. Et même si la grâce ça nous fait tout pareil, ça signifie pas que nous sommes pareils. We might be equal in the spirit, but not in our soul. Wir sind gleich im Geist, aber nicht gleich in der Seele. Et la signification est que nous sommes pareils dans l'esprit, mais pas pareils dans l'âme. Amen. Praise the Lord. On va lire Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2. Amen. Amen. Vers 5. Vers 5 und 6. 5 und 6. Philippiens 2, verset 5 et 6. It says, let this might be in you, which was also in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. It said, this was in Christ Jesus also. This very verse 6. Vers 6 war auch in Christus Jesus. Verset 6 a aussi été en Jésus-Christ. You see that? It said, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Praise the Lord. Amen. Jesus, spirit, soul, and body. Jesus, Körper, Geist perfect. Und Seele waren vollkommen. Le corps, l'âme et l'esprit de Dieu de Jésus-Christ a été parfait. But for us. But for us. Aber für uns. Mais pour nous. Matthew 13 talks about our soul. Spricht Matthäus 13 über unsere Seele. Dans Matthieu 13, Jésus-Christ parle de notre âme. Though our spirit is perfect. Auch wenn unser Geist vollkommen ist. Même si notre esprit est parfait. Amen. Amen. If we are saved, wenn wir errettet sind, si nous sommes sauvés, we all have the same equal spirit. Wir haben den gleichen Geist. Nous avons le même esprit. If we are saved, go to Matthew 13. Matthäus 13. Matthieu 13. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 13. Matthäus 13. Und Vers 18. 18. Matthieu 13, Vers 18. He said, hear ye therefore the parable of the sower. Verse 19. Verse 19. 19. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one. Here he's talking about your soul. Es geht um deine Seele. Ici, il s'agit de ton âme. Amen. Amen. The message you listen to die Botschaft, die wir hören, soul. Geht zu unserer Seele. Parce que le message que tu attends, ça arrive à ton âme. You know, one of the reasons why you still come to the church. Ist einer der Gründe, weshalb wir zur Gemeinde gehen. Et c'est une raison pourquoi je pars à l'église. One of the reasons why you still go to the Bible and study it. In die Bibel gehen und sie studieren, sie c'est lesen. Pourquoi tu lis aussi la Bible puis tu étudies la Bible? You know, one of the reasons why you are always gathered in the name of Jesus. It's all about your soul. Your soul. Im Namen von Jesus Christus, für unsere Seele. Et c'est une raison pour laquelle tu te rassembles au nom de Jésus-Christ, c'est pour ton âme. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20. Verse 20. But he that received the seed into the stony places, the same is he that heareth the word, and annoyed with joy, receiveth it. You can see another soul, different soul. Andere Seele, verschiedene Seele. Amen. So, si, ja, the garden. Mm-hmm. Amen. Le jardin. Yet had not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation and persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. Verse 22. You can see that we all have different souls. Wir haben alle verschiedene what will offend you will not even offend me. Was, I will say thank you to Jesus. Was mich kränkt, nee, was dich kränkt, wird vielleicht mich nicht kränken. Ich werde mich einfach bei Jesus bedanken und weitergehen. Ce qui t'offense, ça va pas mon français. Moi, je veux seulement oui, être reconnaissant à l'Éternel. In verse 21, verse 21, look at it, very important. Verset 21. He said, once you hear the word, the message. Wenn du das Wort hörst, die Botschaft. Donc si tu écoutes le message. You, verse 20 said, you are annoyed with joy. With joy, receiveth it. Then verse 21. Ye have not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation and persecution arise, because of what? Because of what? In the word. The word. Mm-hmm. Because of the message. In the Botschaft. Things are going to fight you. Dinge werden dich bekämpfen wegen der Wahrheit, wegen der Botschaft. Things are going to get worse. Dinge werden schlimmer werden. Donc, dans verset 20, on a écrit que tu reçois la parole avec joie, mais à la fin, tu vas être offensé, et c'est seulement à cause de la parole. Donc, la parole, c'est le message. It says, by and by, he is offended. Amen. Verse 22. Praise the Lord. Amen. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word and the care of this world. The care of my mother, my father, my son, my daughter. Die Sorgen über meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister. Et verset 22 parle maintenant des soucis de ce monde, donc des soucis de tes parents, tes enfants, ton travail. Amen. They need me. You better allow them to need. Sie brauchen mich. That they go unto Jesus. Aber lass lieber zu, dass sie Christus brauchen, dass sie ihre Last bei Christus abgeben und nicht bei dir. Amen. Tu dis qu'ils ont besoin de toi, mais tu vas permettre qu'ils ont besoin de Christ et pas de toi. Praise the Lord. Hallelujah. And the deceitfulness of riches shook the world. It's talking about your soul. Und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort in deiner Seele. Es geht um deine Seele. Et la séduction des richesses étouffe cette parole. Donc il s'agit encore de ton âme. And he becometh unfruitful. Verse 30. But he that receives seed into the ground, good ground. You know, Renew soul. Erneuerte Seele. Amen. If you renew soul, you don't even get the same result. Nein, erneuerte Seele kriegst du nicht mehr die gleichen Ergebnisse. Et même si tu as une âme renouvelée, comme dans verset 23, tu n'as pas les mêmes résultats. Even for the soul that is hungry of Christ, we don't even get the same result. Seele, die hungrig ist nach Christus Jesus, kriegt auch nicht mehr die gleichen Ergebnisse. Et l'âme qui a même faim de Jésus Christ n'a pas toujours les mêmes résultats. You know, it's like food. You know, when we are hungry, we can, there's a portion of food you can eat, and another can even eat more than you. Amen. Praise the Lord. Sabbath. Es ist genauso okay. Wie Essen. Wenn du hungrig bist, kannst du eine gewisse Portion essen. Aber es gibt Leute, die vielleicht dennoch mehr essen können als du. Can eat, there are some that can also eat less than you. Weil die trotzdem weniger essen als du, obwohl sie genauso viel Hunger haben wie du. Et même, donc, tu peux avoir faim, mais ça signifie pas que tu manges pareil, pareillement comme la personne à côté de toi. Donc, tu peux avoir faim, mais tu manges peu que la personne à côté de toi. Praise the Lord. Verse 23 again. Verse 23. But he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some an hundredfold, some 60 and some 30. You see there? The results are not the same. Les résultats ne sont pas les mêmes. Amen. Praise the Lord. Yeah. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. We have the same grace, which is Christ Jesus. Wir haben die gleiche Gnade, die ist Christus Jesus. Nous avons la même grâce qui est Jésus Christ. But the question is, will we believe in the same way? Ich frage, werden wir ihm gleich glauben? Him the same way. Und danach handeln gleich. Mais la question est, est-ce qu'on va croire Jésus-Christ pareillement ou puis aussi agir selon le message? Amen. Amen. The grace is there. Die Gnade ist da. La grâce est là. Amen. But don't use it as liberty to disobey Christ. Aber nutze sie nicht als, als Ausrede, um Christus zu missachten. Mais n'utilise pas la grâce de Dieu pour désobéir Dieu. Don't hide at the back of grace, Galatians 5. Verstecke dich nicht hinter der Gnade. Amen. That you already saved, very good. Amen. Was du schon errettet bist, ist sehr gut. C'est bien que tu es déjà sauvé. Amen. Amen. Don't hide, don't use grace to not do what he does not want you to do. Mais n'abuse pas la grâce de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que tu fasses. On va lire maintenant Galates 5, verset 16. For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh. Do you see that? Phyllis, can you help us to read it? Galates 5, verset 13. Und macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern miteinander durch die Liebe. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For brethren, you have been called unto liberty. Liberty means grace. Freiheit means bedeutet freedom. Gnade. Amen. La liberté, ça signifie la grâce. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by law serve one another. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Some use it for victory. Einige nutzen es for evil. Für Erfolg, für Christus, um Christus zu verherrlichen, aber andere nutzen es für das Böse. Il y a des gens qui utilisent la liberté, donc la grâce pour la victoire en Christ, mais les autres aussi qui utilisent la liberté pour le mal. John 1:17 says Christ is our grace. Johannes 1:17 steht, dass Christus unsere Gnade ist. Dans Jean 17, verset 1, on a écrit que Jésus-Christ est notre grâce. Amen. Amen. And John 14, verse 11 and 12. Johannes 14, 11 und 12. Et dans Jean 14, verset 11 et 12. You know, he said, the greater work we are going to do because he is no longer here. Größere Werke werden wir vollbringen, weil er nicht mehr hier ist. Jésus-Christ nous a dit qu'on va faire des plus grandes œuvres parce qu'il n'est plus ici. Praise the Lord. Amen. John 14. Johannes 14. Jean 14. Amen. John 14. Johannes 14, Jean 14, Vers 11 and 12. 11 und 12. Verset 11 et 12. He said, believe me that I am in the Father and the Father in me. Or believe as believe me for the very work's sake. Verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. That he said, greater works shall we do, does not mean we are greater than he. Dass er sagt, dass wir größere Werke vollbringen werden, heißt nicht, dass wir größer sind als Jesus. Et le fait qu'il nous dit qu'on fera les plus grandes œuvres ne signifie pas que nous sommes plus grands que Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. He is still our Lord and our Savior. Il est toujours notre Seigneur et Sauveur. Amen. That is a greater work we are going to do does not mean we can do anything without him. Das heißt nicht, dass wir irgendwas ohne ihn tun könnten. Qu'il dit qu'on peut faire des plus grandes œuvres, ça ne signifie pas qu'on peut faire quelque chose sans lui. In John 15, verse 5, it says, without him we can do nothing. Amen. In Johannes 15 steht, dass wir ohne ihn nichts tun können. Mais dans Jean 15, il a dit qu'on peut faire rien sans lui. But here is a greater work. We are going to größere do. Werke werden wir vollbringen. Mais il dit ici dans Jean 14, il dit qu'on va faire les plus grandes œuvres. Amen. Amen. And people can see it and say, I'm greater than Jesus. Und Leute können das because lesen und sagen, ist er nicht größer als Jesus dann oder nicht? Et aber das stimmt nicht. Il y a des gens qui disent, bon, je suis plus grand que Jésus-Christ à cause des œuvres que je vais faire. We are equal in the spirit. Wir sind gleich im Geist. Nous sommes pareils dans l'esprit. But our souls are different. Unsere Seelen sind unterschiedlich. Mais nos âmes sont différents. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I'll quickly talk about this, then we close. Amen. Amen. In the first word, there was already grace. Let me not go there. It will be too long. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Grace has been there from the beginning. Von Anfang an war die Gnade schon da. In der ersten Welt war die Gnade schon da. Et au monde premier, la grâce existait dès le début. Without grace, God can do nothing with man. Denn ohne Gnade kann der Herr nichts für den Menschen tun. Parce que sans la grâce, Dieu peut faire rien pour l'homme. You can see Noah found grace. Noah hat Gnade gefunden beim On Herrn. Peut voir que Noé avait la grâce devant Dieu. Moses found grace. Mose fand Gnade. Même Moïse avait la grâce. Even Mary was highly favored. That is grace. Auch Maria war begnadigt. Amen. Et même Marie avait aussi la faveur devant Dieu. Without grace, the Lord cannot move or go through any man. Ohne Gnade kann der Herr durch niemanden wirken. Et sans la grâce, Dieu peut pas travailler à travers l'homme ou bien en homme. Praise the Lord. Amen. Amen. He only need a vessel. Er braucht ein Gefäß. Il a besoin d'un vaisseau. Not a superior vessel. Kein erhabenes Gefäß. Et pas un vaisseau supérieur. But a surrender vessel. Aber ein ergebenes Mais Gefäß. Un vaisseau soumis. And that's why it's by grace. Und deswegen ist es durch Gnade. C'est ça pourquoi c'est à travers la But grâce. That by grace does not mean we are all equal. We are still not equal. Aber es heißt dennoch nicht, dass wir alle gleich sind. Mais à travers la grâce, ça signifie pas que nous sommes égaux. Because of the soul. Wegen der Seele. À cause de l'âme. Praise the Lord. We stop here, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.